sur ces bonnes notes de Danny Cosmic pas travaillé, je vais vous présenter le Travailleur de l'extrême de Hacke Anstalning aux éditions CMDE. CMDE, ouais, c'est ça. Dans la collection Les Réveilleurs de la Nuit. Et donc, c'est un petit bouquin avec plein de petites histoires d'un chômeur qui survit, qui tente de survivre dans ce monde et qui a des obligations de stage de réinsertion, enfin qui doit prouver qu'il c'est un bon chômeur, quoi, comme on peut tous l'être, et du coup qui doit enchaîner des tafs de merde. Et dans tous ces tafs de merde différents, il essaye toujours de s'en sortir pour résister un maximum au boulot, essayer d'avoir un côté ludique, de s'y amuser aussi et de résister aux conditions de travail qui lui sont faites. Et tout ça avec plein d'humour, quoi. Enfin, c'est hyper ludique, c'est super drôle. Et c'est vraiment une critique pratique du travail, du système qui l'entoure, sous forme burlesque et un petit peu romantisée, mais ça, ce sera à chacun de le déduire. Et moi, j'ai choisi ce bouquin-là parce que ça donne des idées, ça donne envie de raconter aussi ses propres histoires par rapport au taf. Et voilà, il raconte ses histoires individuelles, mais qui sont toujours entourées avec d'autres collègues, d'autres camarades. C'est rempli de légèreté et c'est vraiment excellent. Je vais vous lire un petit passage qui est le rayon papier toilette. Ça va, vous êtes prêts ? Ouais. Je pense qu'il ne me restait plus que le rayon papier toilette pour me dire que les jobs de supermarché n'avaient plus aucun secret pour moi. Mon chef était un petit chauve qui n'arrêtait pas de gesticuler. Il avait un cheveu sur la langue, ou plutôt une touffe de cheveux, parce qu'une fois sur deux, je ne comprenais que dalle à ce qu'il me disait. Il s'affolait pour un rien et venait me voir deux ou trois fois par jour pour me demander de remplir le rayon PQ. Il partait en cacahuète pour trois paquets manquants. Je me souviendrai toujours de mon premier jour avec lui. Nous sommes dans la réserve, dans le coin où sont stockées les palettes de papier toilette. Il a la mine grave et a coupé son portable pour ne pas être dérangé. Il respire un grand coup, me regarde droit dans les yeux et me dit « Tu dois toujours, et je dis bien toujours, parce que sinon tu vas être dans le jus, prendre les rouleaux de papier toilette discount. Ce sont ceux qui partent le plus vite. Tu dois toujours prendre une palette de papier toilette discount et mettre les autres rouleaux qui manquent dessus. » J'étais à deux doigts d'éclater de rire. Toute cette mise en scène pour une histoire de PQ. Il ne manquait plus qu'un violoniste, et on se serait pris dans les bras en jurant fidélité pour la vie au dieu PQ. Le voilà reparti. Je te donne ce petit carnet pour noter le nombre de paquets qui manquent. Tu notes par exemple 10 paquets senteur Asie, 4 maxi rouleaux, etc. Et tu poses ça sur ta palette discount, t'as compris ? Plusieurs jours sont nécessaires pour capter les rouages de ce magnifique rayon. Passage obligatoire pour toutes celles et ceux qui viennent faire leurs courses. Il y a tellement de marques différentes, double ou triple épaisseur, senteur Asie, senteur pêche ou encore vanille, maxi rouleau, rouleau économique, rouleau extrême douceur, etc. Le client est roi et son petit trou du cul est choyé. Un après-midi, je remplis mon rayon fétiche quand je suis témoin d'une scène hallucinante. Une famille en pleine crise de nerfs pour quelques feuilles à se torcher. Deux sœurs se battent avec leur mère. Une des frangines désire les rouleaux de PQ senteur Asie, tandis que l'autre veut du PQ senteur vanille. La mère exige qu'elle choisisse le paquet senteur vanille. Le père, en retrait, appuyé sur son caddie, regarde la scène d'un air agacé et honteux. La bagarre dure deux bonnes minutes, et l'intervention du père sonne la fin des hostilités. « Putain, vous me faites honte! On choisit celui-là! Le moins cher! On ne va pas payer des 1000 et des 100 pour du PQ, bordel de merde !» Le premier prix, c'est le top du top. Ça pique, ça gratte et ça grimace. Les médocs contre les hémorroïdes ne sont plus remboursés par la Sécu. Sur le moyen et long terme, l'achat de rouleaux de PQ premier prix n'est donc pas une bonne affaire. Une autre fois, une petite vieille me demande s'il est exact que les rouleaux de la marque Just One sont ultra économiques, puisque comme leur nom l'indique, seulement une feuille suffirait pour s'essuyer le cul. Hein ? Mais de quoi elle me parle ? La situation m'amuse. Je la regarde d'un air approbateur. Elle me demande si j'ai vu la pub où un géant se torche le cul et où pour s'essuyer son gros cul de géant, eh ben, il n'utilise qu'une seule feuille Just One. Je n'en peux plus, je ne comprends vraiment que dalle. Elle continue. Donc, s'il faut une feuille Just One pour un géant, moi qui ne mesure qu'un mètre 46, il ne m'en faudrait qu'une demi-feuille, n'est-ce pas ? Elle a fini par se casser, heureuse comme tout d'avoir fait l'affaire du siècle. Il n'y a pas à dire, je suis un sacré vendeur de papier toilette. Et voilà, ça continue sur, d'autres tafs dans d'autres rayons du supermarché ou dans le bâtiment ou dans des usines. Oui, et du coup, moi, ça me faisait penser à une mini-anecdote de 2 secondes. Quand je travaillais dans le secteur du nettoyage en intérim, je me faisais assez chier à un moment donné, c'était dans des bureaux. Et alors, je me prenais un peu le trip de mettre ma tête dans la photocopieuse et photocopier. Et ça m'excitait un peu de me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe s'il y a le chef d'équipe qui se passe juste à ce moment-là. Et du coup, j'ai une collection comme ça chez moi de ma gueule écrasée contre la photocopieuse. Mais bon, j'ai pas fait que ça, j'ai aussi photocopié des tracts pour le parti, bien évidemment. Donc voilà. Et donc ça, c'est un bouquin qu'on peut trouver à la Lapinothèque. À la Lapinothèque. Cool. Et maintenant, on va s'écouter justement « La vie, c'est cool », un morceau à la base de Raoul Von Eyghem, qui a été repris par les René Binamé, et où vous pouvez le retrouver donc, dans la distro. On a ça en CD et en vinyle. Et alors, spécial dédicace à Grand-Duc, qui avait trouvé la plane de jeu où se filme le clip de « La vie, c'est cool » des Binamé, qui se trouvait au-dessus du téléphérique à Dinan et qui n'existe plus, et que vous pouvez voir sur Internet. Et donc, on écoute « La vie, c'est cool ». La vie s'écoule, la vie s'enfuit, les jours défilent au pas de l'ennui. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Parti des rouges, parti des gris, nos révolutions sont trahies. Le travail tue, le travail paie, le temps s'achète au supermarché. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Le temps payé ne revient plus, la jeunesse meurt de temps perdu. Les yeux faits pour l'amour d'aimer sont le reflet d'un monde d'objets, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés, sans rêve et sans réalité. Aux images nous sommes condamnés. Les fusillés, les affamés viennent vers nous du fond du passé. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Rien n'a changé, mais tout commence et va mûrir dans la violence. Se récolte fait, les fusils sur nous diriger. Contre nos chefs vont se retourner. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Plus de dirigeants, plus d'État pour profiter de nos combats. Binamé, et on va écouter tout de suite Ambassadeur 21. C'est un groupe de Biélorussie dans la vanne digital hardcore, genre Atari Teenage Riot et tout ça. Et eux, ils seront en concert le 8 novembre au magasin 4, donc près du canal Centre-Ville. Donc je vous conseille vraiment Ambassadeur 21. Et il y aura aussi Suicide Commando, un vieux groupe EBM belge aussi. Donc ça va être assez pas mal. C'est quoi EBM? Electrobody Music. Et on dédicace ce petit morceau au milieu BDSM bruxellois anarchiste qui n'existe pas encore. C'est parti, Ambassadeur 21. Politics! Et voilà, c'était Ambassadeur 21, un groupe biélorusse qui sera en concert le 8 novembre au Magasin 4 avec Suicide Commando. Et moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Sabaté, guérilla urbaine en Espagne, de 1945 à 1960. C'est un bouquin qui était épuisé, puis on a trouvé encore un exemplaire introuvable pour la Lapinothèque, et puis les éditions Tumult, une édition du côté de Marseille, a réédité récemment ce bouquin-là, et donc il est disponible à la Lapinothèque et à la bibliothèque Akrata. Et voilà, je vais un peu contextualiser l'histoire, et après je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc ça se passe dans l'Espagne. Donc il faut savoir que l'histoire de l'Espagne, elle est imprégnée de luttes sociales, ouvrières et de soulèvements très intenses. Le mouvement anarchiste est très fort. Pour donner une idée comme ça, en 1919, il y avait 800 000 affiliés au syndicat anarchiste CNT. Alors bon, il n'y avait pas que des anarchistes, mais en tout cas, il y a des luttes sociales très très importantes et des soulèvements très violents. Donc dans cette histoire-là. En 1933, il y a la Seconde République qui est proclamée. Et donc là, il va y avoir un jeu de pouvoir entre la gauche, les catalanistes, etc. Et à un moment donné, une sorte de front populaire qui sera au pouvoir. Et le général Franco, donc qui était plutôt réactionnaire et tout ça, va faire une tentative de coup d'État militaire contre la République. Et là, il va y avoir un soulèvement ouvrier des anarchistes contre les militaires franquistes. Et va s'en suivre une révolution, une tentative de révolution, une guerre civile, tout un processus révolutionnaire d'un côté, tentative de collectivisation, de remise en question de l'État, du travail, de la discipline, et de l'autre côté, les forces franquistes, phalangistes, qui veulent mettre de l'ordre dans tout ça, et donc ça va être une lutte assez acharnée. Mais je ne vais pas développer plus parce qu'en réalité, demain jeudi soir à 19h30 à la bibliothèque anarchiste à Akrata, il y a une discussion là-dessus. Je vous donnerai plus de détails dans l'agenda de la distro Lapinothèque à la fin de l'émission. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Donc, processus révolutionnaire, mais en même temps contre-révolutionnaire à l'intérieur même du mouvement. Et puis, en même temps, de l'autre côté, les forces franquistes qui sont renforcées par l'Allemagne nazie et l'Italie mussolinienne, donc avec des troupes énormes, des bombardements. Et donc, ça va mettre fin à cette tentative révolutionnaire qui aura lieu donc, en 1939, c'est vraiment la fin. Il y a un exil massif vers la France. Donc on parle de plus ou moins 500 000 personnes, ouvriers, paysans, miliciens, villageois, gens des villes, qui partent de l'Espagne à travers les montagnes, les Pyrénées, et vont rejoindre la France. Mais alors, évidemment, ils ne sont pas accueillis les bras ouverts. Ils atterrissent dans des camps de concentration à Argelès-sur-Mer, en Ariège. Et voilà, donc c'est pas du tout cool. Et par contre, certains anarchistes décident non seulement d'organiser des réseaux de passage entre les frontières, donc à travers les montagnes, mais aussi un réseau de résistance contre le régime franquiste, avec des sabotages, notamment des sabotages de lignes à haute tension, des braquages de banques, des évasions, de la propagande, des actions contre Franco. Il y aura plusieurs tentatives d'attentats contre Franco. Voilà. Et donc ça, c'est le bouquin que je vous dis. Il parle d'un de ces réseaux de résistance, puisqu'il y avait plusieurs réseaux de résistance, dont le réseau Ponzan, assez important. Mais là, moi, le bouquin se centre plus sur le groupe d'action de Kiko Sabaté. Alors, Kiko Sabaté, c'était un anarchiste de Barcelone, de la banlieue ouvrière de Barcelone, qui va participer à la révolution espagnole. Il va être envoyé au front dans Los Aguiluchos, donc dans les Aigles, et il va participer donc à la lutte antifranquiste et pour la révolution. Et à un moment donné, dans une des opérations, je rentre un peu dans les détails, mais il y a un général stalinien qui va faire une opération, mais qui est une opération un peu merdique, et où il va y avoir 80% des anarchistes qui vont être massacrés. Du coup, Sabaté va faire une opération pour tuer ce général stalinien, et du coup, il va être mis en prison, il va y avoir toutes des tractations, puis à un moment donné, il va s'échapper. Bref, et il va passer de l'autre côté, donc il va vivre entre la France et l'Espagne en permanence, et créer tout un réseau de résistance et d'action par rapport à Franco et aux phalangistes réactionnaires du côté espagnol. Et donc lui, il y avait un certain lien avec la CNT qui va s'atténuer, ils vont être un peu plus autonomes au fur et à mesure, parce que la CNT ne va pas approuver tout ce qu'ils font. Mais ça, je vous laisse le plaisir de découvrir le livre. Et alors je vais lire un petit passage, mais avant ça, je vais quand même vous expliquer qui est la personne, une certaine personne, pour que vous compreniez qui il est. Donc je vais parler d'un certain Elisio Mélis Diaz, mais on va dire Mélis, comme ça c'est plus facile. Lui, il avait été militant dans le syndicat du textile anarchiste à Barcelone. Il était assez reconnu dans le milieu anarchiste. Et par contre, à partir des années 40, il va devenir une taupe, un indique, pour le compte des franquistes. Et donc cette vraie raclure va être responsable de l'emprisonnement de plein de gens, de responsables de mort, de nombreux militants. Et donc là, je vais vous parler d'un... Je vais vous prendre un petit passage d'une action d'un des groupes qui est lié à Kiko Sabaté par rapport à ce fameux Mélis. L'opération contre Mélis avait été soigneusement préparée. Et le jour J fixé, le 12 juillet 1947, vers midi, José Parejas Pérez, Antonio Gil Oliver et José Villegas Izquierdo pénétraient dans le bar Castel. Place Buen Suceso, où Mélis, en manche et en chemise, jouait au billard. Parejas s'approche de lui, sans se faire remarquer, lui met la main sur l'épaule et lui dit de le suivre dans la rue sans faire d'histoire. Mélis connaissait parfaitement son interlocuteur et le projet qu'il avait mené, celui-ci, à Barcelone en avril 1945. Il pâlit, mais réussit à se dominer, passa sa veste et sortit du café, en compagnie de trois visiteurs et de la femme qui se trouvait avec lui, Candelaria Simón Obradera, veuve d'un camarade et qui désormais était sa collaboratrice dans leurs opérations de marché noir. Tout en marchant, Parejas expliquait brièvement à Mélis qu'il n'était pas là pour lui régler son compte, mais pour obtenir toutes les informations qu'il avait en sa possession. Et donc, il se rendrait chez lui afin de mettre la main sur ses informations. Mélis put évaluer la gravité de la situation quand il remarqua quatre individus supplémentaires s'approcher pour lui servir d'escorte. Antonio Gil fit observer que l'on devrait lui enlever à Mélis l'arme qu'il portait dans la poche arrière de son pantalon. Mais Parejas s'interposa. « Laisse, ce n'est pas la panne. » C'était téméraire, et comme nous le verrons, cet excès de confiance eut de tragiques conséquences. Mais Parejas obéissait au souci de convaincre Mélis que seuls les documents les intéressaient. Le groupe s'engagea dans la rue Elisabeth, en direction de la rue Montalegre. Parejas, Gilles et Mélis marchaient en tête, suivis de Pedro Adrover, José Villegas, Parichina et d'autres camarades. Simon Candelaria et González Samaris fermaient la marche. Oui. Mélis semblait se résigner à la tournure des événements. En fait, il savait qu'il était en train de vivre ses derniers instants. Il cherchait une idée, un moyen pour sortir coûte que coûte de cette situation. Il guettait les premières occasions pour jouer le va-t'en-tout. Rue Montalais continuant à parler tranquillement avec les deux hommes qui l'encadraient étroitement. Tout d'un coup, il les bouscula soudainement avec force pour s'engouffrer sous la porte cochère du numéro 3. Parejas bondit. Bondit à sa poursuite, mais s'arrêtait un court instant sur le pas de la porte. Déconcertée par le passage de la lumière à l'ombre, Mélisse, déjà engagée dans l'escalier, se retourna et vit la silhouette qui se découpait dans l'encadrement du portail. Son Beretta 9 mm à canon court retentit dans le vestibule. Pareja, sérieusement touchée, trouva assez de force avant de s'écrouler pour avancer quelques pas et tirer sur Mélisse, qui dégringolait en bas des escaliers. Hill se précipita et l'acheva de plusieurs balles dans la tête. Au bruit des coups de feu, les camarades s'étaient instinctivement postés de manière à couvrir la retraite. C'est alors que Gilles leur annonça que Parejas était grièvement blessé. À ce moment-là, arrivait une camionnette chargée de bidons de lait, conduite par Francesco Fider Roca. À côté de lui se trouvaient Ricardo Battista, Santore, que les membres du commando firent descendre. Ils installèrent le blessé à sa place. Antonio Gil monta aussi. José Villas prit le volant et démarra en trombe en direction de l'avenue José Antonio. Les autres se dispersèrent. Voilà, le bouquin, il est plein d'histoires comme ça, où des fois c'est tragique, parce qu'en réalité, comme ils sont entre la France et l'Espagne, qui font les actions essentiellement en Espagne, ben c'est très très très chaud, parce que les franquistes et les phalangistes ne sont pas tendres avec eux du tout. Et du coup, voilà, je vous laisse la surprise de découvrir ce bouquin. Donc on a encore un exemplaire de l'ancienne édition à la Pinothèque et des nouvelles éditions chez Tumult disponibles en réédition de ce bouquin passionnant sur les groupes d'action liés à Kiko Sabaté, la résistance anarchiste en Espagne. Et on va s'écouter un petit morceau du groupe punk espagnol Puig, à la huelga générale, c'est parti. À la huelga générale. Et là, on va s'écouter un morceau de musique de Lydia Lunch en concert au Magasin 4 le mardi 1er octobre. Donc, c'est mardi prochain. Lydia Lunch, underground américaine new-yorkaise, qui a écrit notamment un bouquin que je vous conseille vraiment, qui s'appelle Paradoxia, le journal d'une prédatrice. C'est sa biographie. C'est assez trash, sexe, tout le bazar. Et elle a joué avec plein de gens, notamment Sonic Youth et tout ça. Et là, on va écouter un morceau d'un vieux groupe à elle. C'est pas du tout ce qu'elle va faire là au Magasin 4 le 1er octobre, mais voilà, Lydia Lunch, c'est parti. Voilà, bah, du coup, moi, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle « Réflexion autour d'un tabou, l'infanticide ». C'est un ouvrage collectif qui a été édité en 2010 à Toulouse et que bah, nous, on propose à 7 euros à la Lapinothèque, mais il a été réédité par après chez Cambourakis en 2015. Et du coup, si vous le prenez chez Cambourakis, c'est 10 euros. Donc, c'est mieux chez nous. Voilà. Alors, par ailleurs, il est trouvable gratuitement sur InfoKiosque, mais bon, pour des questions ergonomiques, moi, je préfère les livres. Alors, à la base, bah, réflexion autour d'un tabou, l'infanticide, déjà le titre, moi, j'avais pas envie de lire ce livre. Le titre me rebutait, je savais pas pourquoi, le sujet prêtait à l'épanchement personnel. Le monde dans lequel ça semblait se passer me paraissait un peu trop glauque. Mais cependant, j'étais quand même persuadée qu'il fallait s'emparer politiquement du sujet et d'en faire une réflexion collective. Alors, c'est bien le genre de sujet où tout le monde a quelque chose à dire, à questionner. Du coup, bah voilà, le genre de question, c'est « Ah, moi, je pourrais pas », ou bien « Bah, je comprends, mais la naissance, on peut toujours, à la naissance, on peut toujours faire adopter l'enfant ». Où, oui, des femmes sont dans des situations particulièrement précaires, c'est vrai, mais bon, elles ont 9 mois pour demander conseil, pour se renseigner, donc c'est un peu bizarre. Mais encore, voilà, je comprends, mais seulement quand il y a des nids de grossesse. Donc en fait, ces échanges, moi, je les ai eus avec une amie proche récemment. Mais en fait, elle avait toujours des limites personnelles, un besoin de limites, de textes légaux. Et en fait, ce livre m'a permis d'appréhender le sujet bon, non seulement à travers des récits personnels, mais aussi grâce à une réflexion sur les mots, comme par exemple le mot déni, le mot enfant, c'est quoi un enfant, infanticide, ou mère, c'est quoi être une mère, ou un fœtus, tiens, c'est quoi un fœtus, c'est quoi la différence entre un fœtus et un enfant. Donc voilà, ce livre, il aborde aussi un retour historique sur la question du positionnement de la justice, de la lutte des femmes concernant cette question. Et au cours de ma lecture, je me suis rendu compte à quel point ce sujet est central pour toute féministe qui s'en réclame. Mais également pour... En fait, c'est un sujet qui concerne tout le monde, hein, comme le disent les 8 femmes qui ont écrit ce livre. Alors maintenant, je vais vous lire un petit extrait du livre qui se trouve au milieu du livre. Et cet extrait, ça fait partie du chapitre « Délai dépassé ». Donc c'est un extrait du rapport d'activité d'un groupe local du mouvement français pour le planning familial, répertoriant les femmes venues au cours de l'année 2006 à la recherche d'une solution pour interrompre une grossesse de plus de 12 semaines. Pour chacune d'entre elles, elles ont indiqué l'âge, le nombre de semaines d'aménorrhée, pardon, et un résumé des éléments qui font, selon elles, qu'elles se trouvent dans cette situation. Donc je lis la situation de ces femmes. 33 ans, 14 semaines d'aménorrhée, séropositive, a perdu beaucoup de poids et ne s'est pas rendu compte de sa grossesse. 40 ans, 14 semaines d'aménorrhée, manque d'informations après un accouchement. 14 ans, 15 semaines d'aménorrhée, n'a pas osé en parler, a eu peur. 48 ans, 15 semaines d'aménorrhée, pensait être ménopausée. 17 ans, 15 semaines d'aménorrhée, a fait un test de grossesse urinaire qui s'est avéré négatif. Pensait que l'absence de règles était liée au stress des examens. 39 ans, 15 semaines d'aménorrhée, a changé de situation familiale. 20 ans, 16 semaines d'aménorrhée, a été mal orientée. 23 ans, 17 semaines d'aménorrhée, a des cycles irréguliers. 37 ans, 18 semaines d'aménorrhée, a pris une pilule du lendemain qui n'a pas fonctionné et ne savait pas que cela pouvait arriver. 32 ans, 18 semaines d'aménorrhée, a fait les démarches pour une interruption médicale de grossesse qui lui a été refusée, ce qui a pris du temps, temps pendant lequel le nombre de semaines d'aménorrhée a inévitablement augmenté. Il est impossible de savoir les réponses que les femmes dont il est question ici ont données à leur situation. Certaines feront une demande d'interruption médicale de grossesse pour raisons psychosociales. Elles raconteront leur histoire à des médecins et peut-être à des psychologues qui mesureront leur niveau de détresse et la fermeté de leur décision. Ils décideront de la légitimité ou non de ces femmes de stopper leur grossesse après les 12 semaines autorisées par la loi. Ils rendront leur réponse, dans certains cas après plusieurs semaines, ce qui compliquera d'autant plus la possibilité de trouver d'autres solutions pour ces femmes, si leur réponse est négative. Certaines seront sûrement parties à l'étranger, aux Pays-Bas, en Espagne ou en Angleterre, dans des cliniques privées. Pour cela, il aura fallu d'abord qu'elles réunissent en liquide des sommes allant de 380 à 1390 euros pour payer l'intervention, en fonction du nombre de semaines de grossesse. Il faudra aussi qu'elles aient l'argent nécessaire pour le voyage, une nuit sur place, pour elles et peut-être aussi pour la ou les personnes qui les accompagneront. Il faudra également qu'elles puissent partir de chez elles, de leur lieu de travail, pour plus d'une journée, dans des délais et à un moment qu'elles ne décideront pas. Pour certaines, provoquer une fausse couche pourrait être envisagé. Faire de la course à pied, ingurgiter des médicaments, tomber dans l'escalier, se donner des coups. Certaines accoucheront peut-être sous X. Certaines aussi accoucheront seules et se débarrasseront du fœtus. Pour celles-là, le fait d'avoir cherché des solutions au cours de leur grossesse, demandé de l'aide, les aura rendues visibles comme femmes enceintes et multipliera le risque qu'elles aient à faire à la justice. Certaines se seront débrouillées seules, sans passer par la case planning ou médecin, et certaines deviendront mères. Voilà, après cet extrait, je propose de passer un morceau de musique de Petra Pied de Biche qui s'intitule « Bébé » et que nous avons à la Lapinothèque présemment. Voilà. Pyromane, grand rappeur français de la bonne époque, années 80, c'est parti. Les vagues, garçon, est-ce que t'as pigé? pyromane représente le rap conscient, le rap sincère, tu sais que ça sert, le rap constant, le côté bon sang, le côté réfléchi du pop bon sang, plein d'Eric sont vrac, voilà ce que j'ai dans le sang, bon sang, dans le hip hop y'a pas de changement, si je mens, passe-moi la corde au cou si c'est ton penchant, franchement, on évolue dans ta tête, joue pas le brigand, le temps passe très vite, et à force, ça devient intrigant, on boy, fais connaître ta rage en criant, écris des textes brillants, deviens jeune friand, des rimes, je reste avec toi même si ce n'est qu'en priant, je te donne en prime, les vibes qu'il te faut, faut pas que tu dreams, pyromane te représente façon Luther King. Je prends le microphone et maintenant tu le sais. Ressens bien les vibes, garçon, est-ce que t'as pigé? Remets-toi un preneur, reste pas figé, figé. Si j'ai le temps, je te ferai un autre couplet. Pyromane à boîte, j'en déduis aux jeunes qui fait parler le glock. Je laisse ça au lock, ce genre de thème, oui, me bloque, je fuck. Les MC qui font de mes idées des photocopes, je dénonce les MC sans inspiration. Pyromane, un homme d'influence qui fait des conspirations. MC, j'augmente la pression. Pour qu'on s'unit, il est temps. Et maintenant, pression, progression vers les droits chemins, vers de nouveaux horizons. Brisons les chaînes du racisme, voilà ma vision. Une vision extra, extrait de mon ancien texte, ouais. Ne fais pas exprès, garçon, déjouer les distraits. Pyromane, l'expert t'informe tout en restant discret. Yippie, yippie, ya, yippie, yo, yippie, yeah. Je prends le microphone maintenant, tu le sais. Yippie yippie ya, yippie yo, yippie yay. Hey hey hey hey hey. Yippie yippie ya, yippie yo, yippie yay. J'prends les microphones et maintenant tu le sais. Yippie yippie ya, yippie yo, yippie yay. Ressens bien les vibes, garçon, est-ce que t'as pigé? Yippie yippie ya, yippie, yippie yay. Remets-toi un peu, ne reste pas figé, figé. Yippie yippie ya, yippie yo, yippie yay. Si j'ai le temps, j'te ferai un autre couplet. Yo, hey yo, hey yo, hey yo, Biro, le chroma, du chromé chromé, l'MC qui roule en tromé, j'ai pas de zone, rouler, rouler, en merco, même si je te le promets, j'ai pas de zone, jouer, jouer, les narcos, même si c'est formé, Biro, check le mic, monte le niveau, fuck les rivaux, dans le hip hop, je suis le pivot, enfin pour le moment, mais bref, je prends en faire un roman, posons-nous une seule question, mais comment, comment, fuck le système, qui nous manipule en ce moment, bougez les frères, rien ne changera, en diamant, fini les bavures sur le pavé, on a trop bavé. Et vous le savez, les portes sont trop gavées. Je reste bravé, je brandis le microphone en l'air. Voilà une arme pour la contre-attaque et j'en suis fier. Yippie yippie ya, yippie yo, yippie ye. Je prends le microphone et maintenant tu le sais. Yippie yippie ya, yippie yo, yippie ye. Je prends le microphone et maintenant tu le sais. Yippie yippie ya, yippie yo, yippie ye. Ressens bien les vibes, garçon, est-ce que t'as pigé? Yippie yippie ya, yippie, yippie ye. Remets-toi un peu, ne reste pas figé, figé. Yippie yippie ya, yippie yo, yippie ye. Si j'ai le temps, je te ferai un autre couplet. Yippie yippie ya, yippie yo, yippie ye. Je prends les microphones et maintenant tu le sais. Je vous refais une petite lecture bonus d'une autre petite histoire du travailleur de l'extrême. La rencontre du troisième type. Quand on rentre de tournée, j'ai du mal à revenir à la réalité. D'un coup, tout est calme. Plus de bibines ni de conneries racontées. Je dois être au taf à 15h et on doit se farcir 500 bornes pour rentrer. On se lève donc à 5h. Ça s'annonce rock'n'roll. Encore bien bourré de la veille, mais pas le choix, faut y aller. Mon pote assure le pilotage automatique. 15h, je suis dans les vestiaires du supermarché. J'enfile mon tablier et je me demande ce que je fous là. Il y a quelques heures, j'étais défoncé en train de parler dans un anglais incompréhensible avec des Singapouriens. Dans le magasin, on parle tous la même langue, mais personne n'a l'air de capter ce que je raconte. Faut dire que j'ai la pâteuse et que si mon corps est bien présent, mon esprit, lui, est encore englué dans les souvenirs de ces quelques jours de concert. J'arrive dans le rayon fruits et légumes. Je suis censé le ravitailler, mais c'est lundi et il y a peu de monde. Je me dis qu'un petit roupillon dans la réserve me ferait le plus grand bien. Bien calé entre les casiers verts des oranges et des poivrons, je me planque au mieux. On m'appelle à l'accueil. Les haut-parleurs hurlent mon nom. Bon, je vais voir et après j'enclenche l'opération sieste. Je me pointe et je vois une vieille qui s'excite au milieu du rayon. Il n'y a plus d'étiquette dans la machine à peser. Le problème, c'est que je n'ai jamais voulu savoir comment on fait pour changer les rouleaux d'étiquette. Ce n'est pas compliqué, mais ça m'emmerde, et quand je fais un blocage comme ça, c'est foutu. Je vais voir la collègue du rayon charcuterie. Elle pète un câble et refuse de changer le rouleau d'étiquette pour moi. Elle en a marre de le faire à ma place. Elle n'a pas tort, 2 mois que je bosse dans ce rayon, et je ne sais toujours pas changer les rouleaux pourris. Je n'insiste pas. Elle me renseigne sur le fait que mon tablier est à l'envers et qu'il est interdit de travailler en short. Merde, j'ai oublié de mettre un jeans. Elle me dit aussi que j'ai un truc bizarre sur la joue. Je me pointe aux chiottes pour vérifier, et effectivement j'ai un truc noir sur la joue. Flashback, on s'est collé des tatouages malabar partout sur la gueule. Je frotte, ça part difficilement mais ça le fait. La moitié de ma gueule est toute rouge. Pendant ce temps, la vieille cliente a fait appliquer le boss du magasin. Lorsque j'arrive dans mon rayon fétiche, je le sens vénère. 10 minutes que madame attend que tu te mettes des rouleaux dans la machine. Ouais, désolé, je... Et votre tenue, vous êtes en short. Tout d'un coup, on entend un cri dans la réserve. On fonce voir ce qui se passe. Une collègue est en panique totale. Elle tremble et bégaye. Elle vient de voir un rat. Un énorme rat, aussi gros selon ses dires, qu'un rhododendron. Un rhododendron ? De quoi elle parle ? Elle a confondu ragondin et rhododendron. Ou plutôt, elle a fait un mélange des deux. Je ne lui dis rien. J'ai laissé continuer à dire rhododendron. Histoire que tout le monde puisse se fendre la gueule quand elle racontera ses mésaventures. Cet épisode m'a sorti d'une discussion qui semble mal barrée. Le boss est maintenant occupé à convaincre la collègue qu'elle a rêvé, que quelqu'un a dû mettre des champis mexicains dans son omelette. C'est la réputation du magasin qui est en jeu. Mieux vaut ne pas ébruiter l'affaire. Je me suis dit que cet épisode du rhododendron était la bonne occasion pour se tirer. J'ai laissé un mot sur la machine à peser. Allez tous à la merde. Et donc, vas-y. Moi, je veux juste dire que ce livre, c'est vrai qu'à la Pinothèque, il a fait un peu l'unanimité parmi, en tout cas, 3 d'entre nous. Et qu'il est vraiment excellent. Et voilà, je crois que c'est à souligner parce que... Bah oui, ça fait du bien, quoi. Ça fait du bien. Il est en rupture de stock chez nous, mais on l'a recommandé. On aura 10 exemplaires dans pas très longtemps. Et on va passer tout de suite à l'agenda distro. Et bah, c'est très, très tout près, puisque demain, jeudi 26, à la Bibliothèque anarchiste à Créteil, il y aura une discussion autour de la révolution en Espagne, donc 36, mais aussi avant. Et il y a Myrtille, donc, qui a écrit 3 bouquins sur les chemins du communisme libertaire en Espagne de 1868 à 1937, en 3 volumes, qui sera présente pour participer à la discussion. Et donc c'est vraiment intéressant. Moi j'ai lu quasi donc les 2 premiers bouquins. C'est vraiment pas mal, c'est une bonne synthèse de comment l'anarchisme est arrivé en Espagne, au niveau des idées, mais aussi au niveau lutte sociale, pratique, et toutes les confrontations qu'il y a eu, toutes les différences qu'il y a eu entre un anarchiste individualiste, anarchiste syndicaliste, anarcho-syndicaliste, tout ça, comment ça s'est passé. Et voilà, donc ça c'est demain, discussion à 19h30, au local à Créteil, rue de la Grande Île, numéro 32 à 1000 Bruxelles. Je vous convie à venir. Il y aura la Pinothèque qui sera présente et on aura plein de bouquins, notamment sur la Révolution espagnole. Je peux peut-être, dans l'agenda, faire un peu les nouvelles arrivées des bouquins qu'on a eus. Donc, on a comme bouquin « Le passeur d'espoir, réseau de passage du mouvement libertaire espagnol » donc de 1939 à 1975. Par rapport au bouquin que j'ai présenté tout à l'heure de Kiko Sabaté, mais il est un peu plus général. Il ne reprend pas juste le groupe de Kiko Sabaté, mais il reprend aussi d'autres réseaux et d'autres groupes qui ont existé, notamment les Jeunesses Libertaires, le réseau Ponzan. C'est pas écrit par un anarchiste, quoique c'est édité aux éditions Libertaires, mais en tout cas, c'est intéressant parce que c'est un peu plus large que l'expérience juste du groupe Kiko Sabaté. Ou sinon, on a aussi Les enseignements de la Révolution espagnole de Vernon Richard, qui est un bouquin assez critique sur les Stalles notamment. Et c'est vraiment un bouquin très important si vous voulez découvrir de manière critique la révolution espagnole. On a La révolution et la contre-révolution en Catalogne, socialiste, communiste, anarchiste et syndicaliste, Contre la collectivisation de Carlo Sembrumora aux éditions Nuit Rouge, qui est aussi un classique de la Lapinothèque Livre Critique. Nous avons le bouquin d'Abel Pasce, La colonne de fer, qui est plus particulier, parle vraiment juste d'une colonne spécifique et de comment la question de la militarisation ou des milices arrive. Et c'est très détaillé, c'est intéressant parce qu'Abel Pasce, il a une position critique, mais c'est, voilà, c'est plus particulier sur l'expérience de la colonne de fer. Bref, on a d'autres bouquins sur la résistance anarchiste durant la période de franquisme. Sur la révolution, on a fait un peu le plein de bouquins. Donc n'hésitez pas, on sera présent là au local à Crata avec une bonne partie de la distro. Et c'est demain, jeudi 26 à 19h30 à Bruxelles, au 32 rue de la Grande Île. Et du coup, j'en profite pour dire que les bouquins de la Lapinothèque, il y a toute une série de prix par rapport à comment est-ce qu'on les a obtenus, si on a des arrangements avec l'éditeur ou si on les a achetés parfois parce que c'était pas, il n'y avait pas d'autre moyen de se les procurer. Et on les vend au prix coûtant qu'on les a achetés, on ne se fait pas du tout de bénéfice dessus. Mais on cherche aussi des arrangements pour qu'il reste complètement accessible, pour qu'un bouquin qui est à 20 euros puisse être accessible à quelqu'un qui a 5 balles à une soirée. Ou... Voilà, du coup, on est en train d'imaginer, d'ailleurs je vais le faire pour demain, une forme de mutualisation où quelqu'un pourrait acheter un bouquin plus cher que le prix qui est indiqué pour alimenter une caisse qui pourrait permettre à d'autres personnes, à d'autres moments, de se dire bah là, j'ai pas assez de sous pour acheter ce bouquin-là et j'ai vraiment envie de le lire. Donc voilà. Et juste avant que tu fasses le suivant rendez-vous, les trois bouquins de Myrtille, donc Les chemins du communisme libertaire, seront disponibles à la Pinothèque. Alors on s'est cassé la tête pour avoir un maximum d'exemplaires du premier tome qui est déjà épuisé, du deuxième et du troisième. C'est assez chaud, mais on aura quand même tout ça demain. Donc n'hésitez pas. Et en plus, on les aura à moitié prix. Voilà. Et donc un prochain rendez-vous où vous pouvez retrouver la distro, la Pinothèque et plein d'autres distros, c'est le salon des distros au magasin 4, le 13 octobre, entre 13h et 20h. Et donc ce salon des distros, c'est une plateforme consacrée à la micro-édition et à la micro-diffusion de cassettes, vinyles, bouquins, fanzines, sérigraphies, et encore plein d'autres choses. Et dans ma présentation de la Lapinothèque, du coup, j'avais zappé de dire qu'il y avait aussi de la musique, des vinyles, des lance-pierres. Voilà. Plein d'autres choses. Plein de choses futiles et drôles aussi. Et du coup, c'est un peu la fin de l'émission. On va se quitter là-dessus. Donc merci à Didi, à Aline. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une autre distro Lapinothèque sur Tranche d'Anard 87.7 FM 344 58 55. Il y a eu zéro appel, donc c'est parfait. C'est qu'il n'y a personne qui écoute. Et on dédicace ce dernier morceau de Cumbia Cuir à tous les anarchistes communistes qui agissent dans la nuit noire, discrètement, qui complotent. La prochaine émission sur Tranche d'Anard, ce sera le 30 octobre, mercredi 30 octobre à 20h30. C'est parti, Cumbia Cuir, Argentina. Son ménage. Et donc ? Alors ? Non, c'est bizarre. Ben oui, ben on vous entend, camarade d'outre 1170. Ah purée, mais c'est parce que c'est... Ah ben oui, vous êtes en direct. Ah oui. Décalage. Oh merde. Ah. Et donc. Je ne sais pas faire de l'arsène, je pense. Eh ben pas de l'arsène. Hein. Oh là. Allez. Que vuelva.